dans la mienne. Que tu dois dégager. Boca, boca, la misión. Boca, la misión. Chaque jour, c'est le même refrain. Oléa, je t'aime beaucoup. Ça, c'est les histoires. Maman, oh, mais c'est quoi l'amour? Quand elle est là, c'est elle. Quand je suis là, c'est moi. Hey, Fundamen, Aïmba, Fundamen. Fundamen, Fumbolé, ton moto. Maka Amaka Bota Benyenge Maka Amaka Sango Mangado Maka You must calculate. Calculate. You must calculate. Calculate. You must calculate. Calculate. Amaka Bota Maloko Maka Amaka Bota Benyenge Maka Amaka Sango Mangado Maka Si calculé, calculé, tu m'as si calculé, calculé, tu m'as si calculé, calculé, calculé. Amaka, mota maloko, maka, amaka, mota benyenge.